À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 14 dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung sur les trois principes de la réunification de la patrie et l'œuvre classique du général Kim Jong-il menant une lutte vigoureuse pour l'application des trois principes pour la réunification du pays.